Les fleurs de mandarine ont entre 14 et 16 ans. Déjà femme au fond de leurs yeux, les fleurs de mandarine vont s'épanouir au soleil et devenir le fruit, ce beau fruit qui m'a toujours mis. Femmes au fond de leur cœur, l'amour c'est l'aventure, c'est l'inconnu qui leur fait peur, mais elles rêvent d'être ce beau fruit qui m'a toujours mis l'eau à la bouche. Les fleurs de menthe